Heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Donc, on va ouvrir le bulletin sport local et régional d'abord en parlant d'une nouvelle qui a été annoncée ce matin sur le site de la Ligue du Lac-au-Fleuve. C'est une transaction entre le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini et la Haute-Côte-Nord. Donc, le multiconcessionnaire obtient les droits de Marc-Alexandre Tremblay, qui de la Côte-Nord. Tremblay qui a joué 17 parties l'an dernier avec la formation de la Haute-Côte-Nord, marquant 5 buts et amassant 18 assistances. Donc, 23 points en 17 parties, c'est quand même une bonne fiche. En retour, le multiconcessionnaire accède Samuel Renault et Joé Dominique. Dans le cas de Renault, il a joué 5 parties l'an dernier avec le multiconcessionnaire. Il a inscrit 3 buts et amassé 6 passes pour 9 points. Et dans le cas de Dominique, il a en 12 parties en 2017-2018. Il a accumulé une fiche de 2 buts et une passe pour 3 points. Évidemment, c'est des joueurs qui n'ont pas joué cette année avec leur équipe respective. Donc, c'est un échange de droits. Maintenant, dans le journal Le Quotidien ce matin, en entrevue au Quotidien ce matin, le président de la commission des sports et plein air de Ville-Saguenay, Michel Tifot, exige des garanties de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant d'investir de l'argent public dans la réfection du centre Georges Vézina. Celui qui agit comme porte-parole pour le conseil de ville de Saguenay craint que la Ligue de hockey junior majeur du Québec et ses partenaires de la Ligue canadienne soit la Ligue de l'Ontario et de la Ligue junior de l'Ouest forment une super ligue et les petits marchés comme Chicoutimi et Baie-Comeau, entre autres, seraient négligés. Michel Tifot et le conseil municipal vont demander quelques questions, entre autres, dans combien de temps on désire faire cette ligue et quelle sera la place des petits marchés comme les Saguenayens dans cette super ligue. Donc, on va tenter de parler avec Michel au cours des prochains jours. On sait que Michel Tifot est un de nos bons collaborateurs. En fin de semaine, s'est déroulée une compétition de patinage de vitesse sur courte piste. Ça s'est déroulé à Ville-Saguenay. C'est une compétition de l'Est du Québec. Et Alexandre Simard de Saint-Félicien a terminé au 11e rang. Et dans le groupe 3, David Bouchard de Dolbeau-Mistassini a pris le 17e rang. Le sport local et régional, à donradiosport.com, on s'en occupe.